Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Pour l'émission de ce soir, on aura plutôt par téléphone un artiste qui a très récemment sorti un album. Il s'agit de Fred Nefché pour son album Vade Valqueros. Bonsoir Fred. Bonsoir, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, c'est super. Et comme on dit, émission musicale, les auditeurs commencent à être largement habitués. J'ai Mika avec nous. Bonjour Mika. Bonjour à tous. Et d'ailleurs, bonjour. On a décidé de jouer un petit jeu aujourd'hui. On a décidé d'intervertir les places. Donc pour une fois, c'est pas moi qui suis à la technique, ce sera Mika. Comme ça, on va voir, en espérant qu'il n'y ait pas trop de cafouillage ce soir. On va voir comment ça se passe. Je ne sais pas s'il y aura des cafouillages, mais par contre, il y a du bruit autour de toi, Fred. Des enfants ? Ouais, je suis dans la rue encore. Je suis pas encore arrivé chez moi, donc je suis dans la rue. À Marseille, c'est l'ambiance. À Marseille ? Ouais, ça secoue un peu. Ouais. Ah, effectivement, il y a des enfants parce que je suis à côté d'un endroit où ils font de l'escrime, là, donc ils sont tous en train de se déchaîner. Ouais, voilà. Donc, c'est qu'il s'en passe des choses, hein. Il y a de l'animation. Chez nous, il fait un petit peu plus froid, hein. Je crois que les enfants sont restés chez eux. Mais bon, si tu es là ce soir, c'est pour la sortie de ton nouvel album. J'en profite d'ailleurs pour dire aux auditeurs que n'hésitez pas à tout instant à intervenir. Bon, pas par téléphone, là vous doutez bien pourquoi, mais n'hésitez pas à passer nous voir en studio, hein, 8 places de l'Hôtel de Ville à Radio Gémozo, à nous écrire sur notre page Facebook A ou à nous écrire par téléphone. D'ailleurs, j'ai le bonjour d'une auditrice, hein. Bonjour Zolveig. Donc voilà, et si on est là ce soir, comme on le disait, c'est pour la sortie de ton nouvel album Vade Valqueros. Faudrait que j'arrive à relire mes notes, qui est d'ailleurs, si je me trompe pas dans mes comptes, ton quatrième album, sans compter la version étendue du Soleil brille pour tout le monde, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui, effectivement, c'est mon quatrième disque, oui. Alors dis-moi, on aime bien commencer par le commencement. Fred, toi tu es artiste, je ne sais pas si c'est à plein temps que tu l'es, d'ailleurs... Oui, bien sûr, oui. Oui ? Ah bah c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Et dis-moi, comment ça a commencé ton parcours avec la musique ? Je vais dire, c'est à la fois simple et compliqué, c'est-à-dire que c'était très simple d'avoir envie d'être musicien, d'être chanteur ou... Ça me hantait quand j'écrivais des poèmes depuis que j'étais tout petit. Ce qui a été beaucoup plus compliqué, c'est de savoir comment je pouvais en vivre et comment j'allais convertir ça. Si tu veux, comment d'une nécessité dans ma vie, j'allais en faire un choix, quoi. Enfin, voilà, quoi, et d'en vivre, quoi. Donc, ça a pris du temps. Déjà de se former, d'apprendre à mieux chanter, mieux composer, mieux jouer d'un instrument. J'étais autodidacte, et après savoir comment on allait faire pour sortir des disques, et comment ça marchait tout ça, quoi. Et comme j'étais dans les quartiers nord de Marseille, on va dire, j'étais pas trop au contact avec l'industrie, et donc ça m'a pris du temps pour découvrir tout ça. Et j'ai fini par me résoudre à monter ma propre structure avec des amis ici, voilà, de monter une coopérative où on s'occupe à la fois des artistes, à la fois des disques, mais aussi d'un festival, voilà... On fait tout en indé, quoi. Ce qui ne nous empêche pas après d'avoir des liens avec le monde extérieur. On n'est pas coupé du monde à Marseille, hein, mais voilà, c'est d'avoir une pratique un peu autonome et qui corresponde, j'allais dire, au quotidien de ce qu'on vit. Et pour des artistes qui n'ont pas vocation à signer chez des dans l'industrie musicale, tu vois, chez des gros labels, enfin des majors, on va dire. Ouais. C'était de trouver une façon de pouvoir en vivre et surtout de préserver des espaces où il y a certains artistes qui ont besoin, tu sais, des espaces un peu comme ça, un peu protégés pour pouvoir déployer des musiques qui ne sont pas celles de du gros marché de la musique, quoi, on va dire. Voilà, des musiques un peu plus précieuses ou singulières. Oui, qui soient peut-être un petit peu plus libres de faire ce qui leur ressemble. Oui, alors ça après, je sais pas. J'espère, oui, mais je peux pas porter d'avis là-dessus. J'ai l'impression que tous les artistes mettent de la liberté dans ce qu'ils veulent faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que tout le monde, que ce soit un artiste très connu, que ce soit Stromae qui est dans une industrie ou que ce soit un petit chanteur de quartier, il met tout son cœur dans une chanson lorsqu'il écrit. Après, oui. c'est une question de moyens qu'on a pour pouvoir la diffuser et la faire entendre au plus grand nombre. Ça, c'est... c'est autre chose, quoi, j'ai l'impression. C'est autre chose, comme tu le dis, mais dis-moi, en parlant de rapport à la musique, tu as parlé d'instruments. Alors, dis-moi, quel est l'instrument qui t'a fait garder ce lien? La guitare, d'abord. D'abord, c'est la guitare, et puis c'est vrai que j'ai toujours aimé le piano, parce que ma sœur jouait du piano à la maison, et j'aimais bien aller pianoter. Et tu vois, tous mes premiers disques étaient très tournés vers les guitares, vers le rock. Et finalement, celui-ci, j'ai un peu mis de côté la guitare au profit du piano et des synthétiseurs. Ah, c'est bien voilà. C'est bien ce qui me semblait. Mmh. Ouais, j'avais envie de changer, j'avais envie de rénover ma façon de composer, j'avais envie de tout reprendre. J'avais envie aussi de me remettre en question, quoi, de me dire est-ce que j'avais d'autres choses à dire. Parce que ça ne sert à rien d'aller absolument faire un disque si on n'a plus rien à raconter, tu vois, je me suis dit ça. C'était pas... Est-ce que j'avais des choses à raconter, voilà. Après 10 années de tournée, après avoir vécu des moments géniaux, avec avoir fait des disques que je me suis éclaté à faire et à jouer sur scène, j'avais vraiment envie de faire une pause et de me poser des questions. Voilà. Eh bien, j'ai mis 3 années pour tout recommencer, tout reprendre, ma façon de chanter, de trouver des choses qui me semblaient inabouties dans mes précédent album, en fait. Voilà. Je trouvais que c'était inabouti, où il y avait des choses, tu sais, des fois tu fais des choses par habitude et elles te plaisent pas, mais tu sais, elles sont là, et puis tu finis par te coutumer, qu'elles soient là, et moi j'arrivais pas à m'accoutumer à ça. J'avais envie vraiment de les nettoyer, j'avais envie de changer. Voilà. Et donc j'ai une sorte de métamorphose ou de progression, je sais pas comment on peut dire, avec ce disque-là, quoi. C'est un peu comme une renaissance pour moi. Grâce à toi, nous allons parler poésie. Tu étais prof de français? Oui, je l'ai été, oui, effectivement, j'avais passé le CAPES, j'ai été prof pendant un an, et après j'ai arrêté, oui. Ça a duré très peu, mais c'est vrai que ça fait partie de mon parcours, oui. Le lien entre ce métier et le nouveau, c'est-à-dire, enfin le nouveau, hein, déjà depuis une bonne dizaine d'années, mais en tant qu'auteur, compositeur, interprète, le lien, c'est la poésie, et peut-être plus particulièrement Prévert. C'est grâce à lui ou avec lui que tu t'es lancé dans la chanson? Non, c'est pas grâce à lui, non. J'y suis venu après, Prévert, et je vais être très franc avec vous, mais je l'ai toujours dit, de toute façon, quand j'avais sorti ce disque, moi, je n'étais pas spécialement fan de Prévert. Je trouvais que c'était bon, c'était un poète qu'on nous imposait à l'école, bon. Et donc, je le regardais avec un peu de distance, un peu de mépris, même, voire d'ignorance, vous savez. Et puis, c'est en rencontrant la petite fille de Jacques Prévert que j'ai découvert sa poésie, mais sa poésie la plus violente, la plus engagée, finalement, celle qu'on connaît le moins à l'école. Et donc elle m'a confié des textes inédits de Jacques Prévert et à travers ces textes j'ai découvert non seulement le poète mais aussi l'homme et cet homme, Jacques Prévert, était un homme fort, quoi, un homme plein de courage, plein de bonté aussi, plein de générosité et envers tous les gens, indifféremment. Et cette façon qu'il avait de lutter contre l'exploitation de l'homme par l'homme, la violence de l'industrie, tout ça, ça m'a beaucoup touché. Et je pense aussi c'est parce que j'étais un peu distant avec lui que j'ai réussi à les mettre en musique. Vous savez, il n'était pas sacralisé dans mon esprit, donc j'ai réussi à le traiter avec beaucoup de légèreté. C'est ce qui a fait que j'ai réussi à faire ce disque de façon étonnante, quoi. Mais on peut pas dire. Après, moi j'ai toujours aimé la poésie, mais c'était pas Jacques Prévert qui me transcendait, quoi. C'était plutôt des poètes étrangers comme Fernando Pessoa. Ouais, il y avait aussi Arthur Rimbaud, il y avait Paul Celan, il y avait Voilà, des poètes canadiens aussi. Puis Assia Djebar, une romancière algérienne. La poésie francophone m'a beaucoup interpellé. Léopold Senghor, vous voyez, voilà. Ce dont on parle, c'est le deuxième album de Fred Nevché, paru en 2012, qui s'appelle « Le soleil brille pour tout le monde ». Ouais, ça c'est suivi. Lou avait choisi une chanson de cet album, hein, un poème de Prévert qui s'appelle « Le cancre ». Oui, alors celui-là, je parle, pour le coup, c'est pas un inédit du tout. Et c'est pour ça que j'avais choisi ce morceau-là, à travers tous les inédits. Ah pardon, mais je vous ai interrompu en fait, excusez-moi, je veux pas te couper. Non, c'est très bien, on se tutoie. Voilà. Mais en fait, j'avais choisi Le Cancre, qui est une chanson très très connue et justement que tout le monde connaissait. Et j'ai voulu la mettre au milieu de tous ces textes inédits pour lui redonner sa dimension de contestation. Pour lui redonner, en tout cas un éclairage nouveau. Et de montrer que ce texte était vraiment un texte de lutte, quoi. Un texte qui pouvait renvoyer aussi à des luttes de classe sociale. Et quelle orchestration, hein. C'est vrai que Lou et moi, on a beaucoup aimé l'orchestration. Ouais, je voulais un truc brutal, un petit peu martial, quoi, un petit peu rock et énervé. Et voilà, avec un peu d'ironie aussi, pour dire ce texte d'une façon comme on ne nous demande pas de le dire à l'école, j'avais envie de le dire d'une façon un peu... Comme quand on ne connaît pas bien son poème, vous savez, qu'on monte sur l'estrade du professeur et qu'on ne se souvient pas bien du texte et qu'on essaye, on reprend et on regarde dans les yeux des camarades et surtout sur leurs lèvres pour essayer d'aller jusqu'au bout du poème et pas se faire engueuler, quoi. Et c'est ça qui a animé ce qui m'a animé, quoi, pour l'interprétation de ce texte. Le cancre, ouais, c'est ça. Le cancre par Fred Nevché. Merci. Non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime. Il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne. Et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges, Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Vous avez écouté à l'instant le morceau Le Cancre de Fred Nefché, qui est toujours avec nous à l'antenne. T'es toujours là, Fred ? Ouais, je suis toujours là. Je suis presque arrivé chez moi. Ah, super. Et on est toujours un peu un pied à Marseille, un pied dans les Vosges. Ouais, c'est ça. Toujours c'est ça, pour, cette, pour cette émission, pour ton nouvel album, Valde Valqueros, que je le lise bien. Et tant qu'à faire, je reviens vite fait sur le morceau. Hein. Tu as dit que tu voulais vraiment donner une dimension beaucoup plus militante, beaucoup plus protestataire. Enfin, je ne sais pas si j'emploie les bons mots pour le morceau Le Cancre. Et très personnellement, moi, ça m'a fait un petit peu penser au morceau de Pink Floyd. Alors, je crois que c'est Anne Another Brick in the Wall, la deuxième partie. Ah ouais, t'as raison. Ouais. Mais j'avais oublié à quel point ce morceau, il était âpre. Tu sais, j'ai tellement mis de douceur dans le nouvel album que j'avais oublié que dans ce disque de Prévert, j'avais mis beaucoup de rage. en tout cas, ça se sent. Ouais, bah écoute, tant mieux. Et oui, il est très bien parce que le message passe et c'est vrai qu'il donne cette autre dimension à ce poème que moi je récitais quand j'étais petite et voilà, quoi, on le réécoute autrement, on le réécoute différemment. Et comme tu as dit, hein, tu as quand même eu une grosse période très rock, très à la guitare, même si tu as un style quand même, j'écoutais ton nouvel album, c'est très varié, mais ton nouvel album, hein, Valde Valqueros, déjà il est sorti, je rappelle, le 21 septembre 2018, si je ne l'ai pas déjà dit. Et lui, hein, d'après ce que j'ai écouté, hein, c'est beaucoup plus doux, comme tu l'as dit. Hein, moi, je trouve limite que c'est très, très aquatique et aérien. Oui, c'est ça. T'as parlé aussi d'une... presque comme une rupture, ou à un moment, tu savais plus trop... comment dire... Tu voyais pas l'intérêt de faire un album parce que tu savais plus trop quoi dire et là t'as quelque chose de nouveau. Alors comment t'es venue l'idée ? T'as voulu changer de style complètement ou t'as trouvé un nouveau point d'inspiration ? En fait, c'est pas que j'ai eu envie d'un nouveau style. Tu sais, c'est juste que je crois que j'étais un petit peu au bout de quelque chose. Et puis du coup je me suis un peu replié, quoi. C'est-à-dire, tu vois, j'ai eu envie de essayer de me retrouver, quoi. Parce qu'après 10 années de tournée, je faisais des concerts partout, c'était fantastique, tu vois, je m'éclatais, c'était génial. Mais j'avais un peu perdu le fil de la recherche, tu vois, ou de se dire, tiens, maintenant je vais essayer de nouvelles pistes. Et moi j'adore les aventures musicales, j'adore essayer de nouvelles choses, tu vois. J'avais fait un premier album, ensuite j'ai fait des mises en musique de Prévert, en plus après j'ai fait des projets avec des gens du théâtre, de la danse, et j'aimais les aventures et j'avais l'impression que à cause des tournées que j'adorais par ailleurs, je n'avais plus le temps pour essayer d'expérimenter des choses, et donc j'ai eu envie d'expérimenter plein de choses. Et qu'est-ce qui est sorti, c'est la douceur en fait et la délicatesse. J'avais envie de quelque chose de très élégant, de très doux, un petit peu pour lutter à ma façon face à, tu sais, les gens qui crient tout le temps au micro, les gens qui ont toujours raison, les gens qui sont toujours... Il faut toujours être le meilleur, toujours être le plus fort, toujours être... je sais pas, moi j'avais juste envie d'être posé, tranquille, quoi. Voilà. Posé, tranquille, et comme tu le disais, hein, comme c'est un... Il y a, une rupture entre tes albums précédents et le nouveau, hein, par rapport au style, ouais, je trouve. C'est pour moi, hein, c'est presque comme une renaissance, en fait. Ouais, c'est ça. J'avais envie aussi, tu sais, de, avec la musique, d'arriver à donner beaucoup de lumière et de proposer un voyage aux gens, et un voyage doux et agréable, et pas être toujours dans la revendication politique. Ou parce que la revendication, elle peut être cachée dans les paroles, ou elle peut être en dessous. En fait, j'ai compris quelque chose, mais je sais pas si évidemment ça concerne que moi. Ce n'est pas une parole, tu sais, qui tombe comme ça, genre sentencieuse. Mais moi, je me suis dit qu'en fait, une chanson engagée, c'est les gens qui la font, parce que j'ai pas besoin d'être engagé, moi, au sens, j'ai pas besoin de faire un texte politique ou de faire absolument quelque chose d'engagé. C'est les gens qui vont percevoir ce qu'il y a dans le texte. Et puis, si on fait quelque chose d'engagé, c'est pour que les gens, ils agissent. Ou c'est pour que les gens, ou alors ils voyagent, ou alors ils décident de découvrir quelque chose, ou ils se questionnent sur eux-mêmes. Mais c'est toujours renvoyé à la personne qui écoute. Tu vois, je me suis dit que... Donc, je voulais moins m'engager, ou être moins démonstratif dans certaines choses. Et donc, être beaucoup plus en délicatesse, beaucoup plus en douceur, pour laisser de la place au maximum à l'auditeur et à ce que lui, il peut voir là-dedans. Et donc, j'ai essayé de mettre dans mes textes beaucoup plus de polysémie, beaucoup plus de choses délicates, beaucoup moins de textes aussi, beaucoup plus de musique, beaucoup plus de musicalité, de mélodie, de chant, plus que de la voix déclamée, de mettre de la mélodie dans ma voix, quoi. De toute façon, il peut y avoir autant de lectures qu'il y aura d'auditeurs, puisque tes textes sont très poétiques. Oui, voilà, c'était ça l'idée. Ouais, c'était ça. Ben, si vous le ressentez, j'en suis ravi. Par rapport au titre de l'album, est-ce que tu veux nous dire déjà pourquoi tu l'as appelé Valdevaqueros et qu'est-ce que c'est ? Ben, Valdevaqueros, c'est le nom d'une plage en Andalousie. Voilà, une plage infinie, immense, de sable fin, où le vent n'arrête jamais de souffler. Et j'y ai passé des vacances une fois là-bas, et voilà, ça m'a marqué beaucoup, beaucoup, et j'ai eu envie... Bah, il s'est passé des trucs là-bas pour moi, c'est sûr, mais ça appartient, j'allais dire, ça m'appartient, d'une certaine façon. Et ces chansons sont un écho, quoi. Et j'avais envie d'amener les gens en voyage avec moi, c'est pour ça que sur la pochette, il y a ces petits fanions maritime, qui a cet imaginaire un peu de voyage, on prend le large, quoi, voilà. Eh ben, nous allons tous prendre le large maintenant, avec et grâce à Fred Nefché. Allons à Valdevaqueros. Que je suis une femme ou un homme, seulement tu fais fausse route. Sur la plage à 16 ans, je regardais passer les véliplanchistes qui longeaient le rivage d'un côté puis de l'autre au gré des vents, des courants. Et je me demandais de quel bord de la mer un jour j'accosterais. Ma chair dans mon sang, mes peurs, mes emballements, je m'interrogeais. De quel côté j'étais, de quel côté en moi soufflait l'amour. Ne sachant pas encore si cela pouvait changer, si je pourrais choisir. À loisir le penchant qui m'irait mieux que l'autre. Tourner le dos au rivage, droite au large des plages, le bar des vaqueros. L'inconnu brillait dans mes yeux. Thank you. de retour sur Radio Gemozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Vous avez à l'instant écouté le morceau Valde Valqueros. On a décidé de le passer en entier. Je pense que vous l'avez compris. Ouais, à cause des deux phases en fait de ce morceau, parce que c'est une œuvre qu'il fallait, je pense, retranscrire dans sa totalité. C'est super touchant que vous ayez passé le morceau en entier. En plus, c'est vraiment pas facile de rentrer dans le disque avec ce morceau. Comme ça, complexe, qui fait 7-8 minutes et tout. Vraiment, je vous remercie de l'avoir passé. Ah, mais c'est pas la, c'est pas, c'est, parce que c'est le morceau, évidemment, c'est le morceau qui donne le nom à son album. Et c'est un morceau complexe, c'est pas un morceau facile à écouter, j'ai envie de dire. Puis le texte au début est un peu compliqué, après il y a ce refrain un peu à la... entre Simon et Garfunkel et Nino Ferrer des années 70. Et puis d'un coup, cette longue plage musicale à la fin. Non, vraiment, je vous remercie d'avoir commencé par ça. J'espère que les auditeurs... reste accroché, il y a d'autres morceaux plus faciles à écouter qui arrivent, j'espère. Ne t'inquiète pas. On a mis le plus long et tout à l'heure on mettra le plus court sans compter les interludes, mais tout à l'heure vous écouterez Je naviguais vers mon rêve. Et pour tout dire, c'est ma préférée. Ah, génial, je l'aime beaucoup aussi. Je l'aime beaucoup celle-ci aussi, oui, c'est vrai. Et c'est un morceau que j'ai écrit à la suite d'un article que j'avais lu dans Libé sur un migrant qui s'est fait rattraper au large de Sangatte. Et en fait, il racontait son histoire. Et dans l'article de journal, c'était « Je naviguais vers mon espoir ». Et moi, j'ai transformé tout ça et pour lui rendre hommage. Et voilà. Bon, bref, on en parlera si vous voulez. On en parlera, c'est sûr. Et comme tu le disais, hein, Valde Valqueros, c'est une plage en Andalousie, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et en effet, hein, plus, je crois que Mika, c'est un petit peu plus axé sur la partie texte, si je ne me trompe pas. Je sais qu'on a une vitre, donc Mika peut faire oui ou non avec la tête. Oui, il fait oui avec la tête. Et moi, je voulais dire... oui avec la tête et non avec son cœur. Non, je crois pas. Je le connais assez bien quand même. Non, je crois que quand il dit oui avec la tête, c'est qu'il dit oui avec son cœur. Oui, c'est sûr. J'en suis sûr, Mika. Merci. Et en ce qui concerne, je ne sais pas si Mika, tu voulais parler du texte en fait de ce morceau. Mais avant cela. Moi, ce que je pense qui serait pas mal que tu nous expliques, hein, puisqu'on a parlé d'Andalousie, c'est tes origines multiples. Alors, on peut dire donc, tu es espagnol et arménien d'origine. Oui, ma mère est espagnole, elle est arrivée en France, elle avait l'âge de 20 ans. Et mon père, lui, est arménien, enfin, il n'est pas arménien, il est français, mais c'est mon grand-père qui est arrivé à Marseille. Donc j'ai deux origines, voilà. À quel point ces origines et leur culture influent ton art ? Si tu veux, quand tu arrives... C'est normal que ça crasse, hein, vous m'entendez bien ? Oui, bon, on a des petits soucis de téléphone, mais... Bon, j'espère que ça va aller mieux. Ça va mieux, là ? On va faire comme on peut, t'inquiète pas, allez, continue. Va, ah, là, ça a l'air mieux. Je ne bouge plus. En tout cas, quand tu es, fils d'immigré, que tu arrives, que tu es à Marseille, que ton père te raconte que son grand-père était en Arménie, qu'on te raconte plein d'histoires sur un ailleurs que tu connais pas, que ta mère te raconte qu'elle vient du sud de l'Espagne, mais qu'après, le grand-père s'était fait confisquer des terres, et qu'ils ont été obligés de fuir pour se réfugier à la frontière, puis après qu'ils sont venus à Marseille. Donc, tu as un imaginaire un peu comme ça, c'est sûr que les origines... Comment dire, j'étais un peu en recherche d'un point d'ancrage, quoi. Et que j'ai très vite compris que mon point d'ancrage, bon, même si c'était Marseille, qu'il venait de loin, quoi. Et donc j'ai cherché à en faire une richesse, quoi. J'ai cherché à me construire à travers ces deux pôles très éloignés, autour de la Méditerranée, en fait. D'un côté, Moyen-Orient, l'autre côté, l'Espagne. Et c'est sûr que mon implication... sur mes premiers albums, était très lié à mon nom de famille, qui est celui de mon père, qui est celui d'origine arménienne, puisque je me faisais appeler Nefché Irlian, avant de le couper, parce que les gens n'arrivaient pas à le prononcer, même si j'adore mon nom de famille. Et au bout d'un moment, on essaie d'équilibrer la chose, et il n'y a pas que le nom de son père, mais il y a aussi tout l'imaginaire que m'a transmis ma mère sur l'Espagne. Et puis, il y a les voyages qu'on fait avec les amis. Voilà, j'ai été très impliqué. Je veux dire, c'est vraiment. J'ai l'impression que ce disque est d'une certaine façon résout un petit peu l'équilibre entre ce que m'a transmis mon père et ce que m'a transmis ma mère, et rend hommage au côté espagnol de ma mère. Voilà, c'est un peu des deux, quoi. vous me faites dire des choses, j'arrive pas à dire des conneries, vous êtes obligé, vous m'obligez à dire des trucs graves. Ah bah du tout ça. on va peut-être doucement aller vers des choses plus déconnantes. Mais avant ça, vous touchez un point sensible, c'est-à-dire que c'est sûr, ouais. Ça m'a beaucoup. Mes origines, c'est ce qui m'a construit, c'est-à-dire c'est la transmission, c'est la nourriture arménienne, la nourriture espagnole. Mes parents, ils aimaient beaucoup cuisiner. Et puis mon père, c'est le premier qui s'est marié avec une femme qui n'était pas d'origine arménienne, puisque dans ma famille arménienne, tous les gens se mariaient entre arméniens. Et donc ça a été un peu une nouveauté, ça a été quelque chose, et ça m'a. Et je l'ai très vite compris que c'était nouveau. Et j'ai très vite compris que c'était unique aussi, à ma façon, en moi, à ma façon à moi. Et donc de cette unicité, j'en ai fait quelque chose de riche, une richesse, et pas juste. Et puis après, bon, je suis blanc, quoi. Je suis quand même blanc. Je suis blanc en France, donc ça posait pas trop de problèmes. J'ai pas eu de problème d'intégration, moi. Et pourtant, ma mère était espagnole, c'est pas française. Mon père était d'origine du Moyen-Orient, vous voyez. C'était bizarre. Je me sentais plus proche des gens qui étaient pas français, quoi. Donc j'étais volontiers attiré par les étrangers. Je passais plus de temps avec les gens qui parlaient le français avec un accent que ceux qui le parlaient bien. Et en même temps, j'étais attiré par. J'écoutais France Culture la nuit parce que j'étais fasciné par le français, par cette langue qui était. Et je crois que j'ai toujours recherché l'étrangeté dans le français parce que j'ai toujours cherché finalement la langue étrangère qui se cachait derrière. Et la langue étrangère, c'est peut-être l'espagnol de ma mère, l'arménien de mon père. Voilà, je sais pas, je fais de la psychologie un peu de psychanalyse de bas étage, mais de comptoir, mais pourquoi pas. À propos d'ailleurs et de Moyen-Orient, il y a 5 ans, tu as participé à un super projet qui s'appelle Mix Attack. C'était le troisième volet de cette série d'albums. C'était consacré à Beyrouth, puisque le principe de ces albums Mix Attack, c'est à chaque fois de se concentrer sur une ville et sur la diversité de celle-ci, et notamment musicale. Est-ce que tu pourrais nous évoquer ce projet ? C'est un projet fantastique, c'est un projet qui a été initié par Tolo Kinjiang, qui est un programmateur, qui était l'ancien programmateur du festival Mars Attack, et qui avait vraiment des visions comme ça sur des mélanges de musiciens à travers le monde, et en tout cas autour du bassin méditerranéen. Et c'est un projet auquel j'ai participé avec grand plaisir, et ça a été pour moi très fort de rencontrer des Libanais, puisque ma tante étant libanaise, il y avait toute la culture que moi je connaissais par cœur aussi, sans avoir jamais été là-bas. Et ça a été un projet vraiment chouette avec Rodolphe Burger aussi et ses musiciens. Voilà, une belle aventure. Une belle aventure de composition, de rencontre, de mélange, comme ça peut être. Voilà, j'allais dire c'est presque une banalité, mais non, mais il faut le faire, il faut montrer que les frontières, c'est juste sur des cartes. Pour le coup, Rodolphe Burger, il est de chez nous, hein, puisqu'il est d'Alsace, de Sainte-Marie aux Mines. Ouais, belle région, je suis venu jouer plusieurs fois et j'espère revenir. Vous le connaissez, hein, c'est le fondateur du groupe Katonoma. Ouais. Et comment ça s'est passé pour ce projet ? Est-ce que vous êtes tous retrouvés dans un studio et... Oui, alors... c'est ça, on s'est retrouvés dans une salle de concert, on n'était pas sur scène, on était posés en bas, on avait sorti les guitares, les amplis, les batteries, on s'est tous mis là et puis on s'est mis, et puis chacun a apporté des éléments, et puis on a essayé d'élaborer un patchwork, voilà. Rodolphe souhaitait rejouer certaines de ses chansons avec d'autres arrangements. Certains musiciens étaient plus enclins à essayer de composer de nouvelles chansons. Eh bien, on a fait un peu de tout. On a repris certaines chansons de Rodolphe, on les a réarrangées, on y a glissé des textes à nous, des arrangements, et puis on a commencé à composer. On avait des bribes de composition qu'on a poussé au bout, voilà. Certains musiciens libanais avaient aussi des chansons, d'autres avaient des bouts de chansons, et de tout ça, on a fait un disque, quoi, voilà. C'était une belle aventure. Et d'autant plus chouette que généralement, dans ce genre de projet où divers artistes se retrouvent, ils le font maintenant, hein, grâce à Internet, ils s'envoient leurs parties par mail, etc. Ils ne se rencontrent plus. Alors que vous, c'était ça que je voulais savoir, et tu nous l'expliques à l'instant, c'est que vous vous êtes retrouvés, c'est l'essence même du musicien, de l'artiste. Chacun se retrouve... tous avec son propre univers à un moment donné dans une même salle, dans un même endroit pour enregistrer. Oui, c'est ça, avec toutes ces complexités, avec toute la complexité que c'est de... Vous savez, c'est comme quand on était dans un cours de récréation, quoi. C'est très enfantin, c'est-à-dire y a des amitiés qui sont faciles, d'autres qui le sont moins, il y a des trucs spontanés, d'autres qui ne le sont pas. et ça n'enlève rien à la beauté du chemin qui est à parcourir pour atteindre quelque chose qui est d'essayer de créer, de monter sur scène ensemble. On avait un petit peu ça au bout de, qui nous pendait un petit peu au bout du nez. On avait quand même des dates derrière prévues par le Festival Mars Attack, prévues par pour le Festival de Marseille aussi, qui était un partenaire de ce projet. Et voilà, malgré tout, on savait qu'il fallait un petit peu un devoir d'arriver à quelque chose, mais c'est vrai que cette présence, voilà, ça se fait pas toujours dans la facilité, mais c'est beau. Et voilà, il y a eu des moments très beaux, très simples, des moments plus complexes, mais au final, on en ressort tous très grandis, je crois, et puis surtout, on a vécu une aventure commune et qu'on a ensuite enregistré sur un disque chez Rodolphe, d'ailleurs, à Sainte-Marie-aux-Mines, dans son studio. C'était magnifique. Je me souviens très bien, j'avais amené une bouteille de vin blanc de Cassis. Et Rodolphe était ravi. On avait bu ce vin que j'avais ramené de chez moi, quoi, du sud de la France. Et on avait enregistré des guitares. On s'était prêté des guitares. C'était super. Je garderai vraiment c'était un grand moment pour moi de partage, d'échange. Sur le troisième volet de Mix Attack, il est dédié à Beyrouth. Il y avait la chanson Reste, qu'on écoute tout de suite. Sur ma faim, c'est un désir plus qu'un besoin. Maintenant que tu es là, reste. Y'a rien à foutre du reste. On fera la pluie et le beau temps. Agrippe cette main que je te tends. Est-ce que tu m'entends? Je t'en prie, reste. On se saoulera au whisky et mieux encore. Vu que t'as envahi ma tête, que t'as envahi mon corps. Alors s'il te plaît, reste. Rien que toi et moi, encore une nuit, encore une vie. Pourquoi tu fuis? Toi qui n'as pas frappé à ma porte, plus je souris, plus tu t'emportes. Reste. Mon corps, ce sont mes bras et mes jambes. Mon ventre, mon crâne, mais c'est aussi l'intérieur de mon ventre. Mon corps, ce sont mes rides, mes plis, mes pieds, l'intérieur des mains de ma tête. Mon corps parle pour moi, pour mes poumons, mes bras et mes mains. Mon corps est une langue, il parle. Quand mon corps parle, je me tais. Chaque jour, mon corps parle. Ce sont mes yeux, mes oreilles, des morceaux enfilés sur une tige. Les mots de mon corps n'ont pas de langue, de pieds, de mains, de tête ou d'ongles. Ils sont les mots d'avant ma tête, avant mes bras, mes jambes. Ils sont une histoire, le récit de mes angles. Mon corps est tout ce qu'il me reste. Plus je souris, plus tu t'emportes. Alors reste, on naviguera l'ouest comme deux corps célestes. Rien à foutre du reste. Toi qui me brûle les nerfs, me ronge la tête, j'ai dit reste. On fera l'amour sans aucun geste. Ça sera notre péché, notre inceste. Puisque tu t'invites dans mon cœur, dans mon corps, dans ma tête, prends tes aises, reste. Manipule mes organes, manipule tous mes gestes. Petite salope, petite peste. En sueur toute la nuit, je serai ton amant, ma maîtresse. Jusqu'à ce qu'on se saigne, qu'on s'étripe, qu'on se blesse. J'ai dit reste, tu es à la bonne adresse. J'adore comme je te déteste, saloperie de douleur. C'est un extrait de l'album Mix Attack dédié à Beyrouth. Et oui, vous avez entendu Fred Nefché qui est avec nous par téléphone. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce titre? C'est Ray Esbeck, le chanteur là, qu'on entend. Moi, je dis juste un tout petit couplet au milieu. Mais là, c'était vraiment un morceau de Ray Esbeck, chanteur libanais qui rappe en français, en arabe. Vraiment un chanteur très engagé. Vraiment super gars. Et il avait amené ce texte et voilà, il voulait absolument faire un morceau avec ça, je me souviens, et tout le monde s'est un peu mis autour de ça. Moi, j'avais écrit un petit bout de texte et ça a donné cette chanson. On peut dire, si tu veux, trois mots sur le festival Mars Attack à Marseille, puisque ces albums Mix Attack, c'est par rapport, c'est le festival qui a lancé. Qui les a produits, oui. Ça. C'est le festival qui a produit ces rencontres et qui les a diffusées. Festival Mars Attack à Marseille, ça aussi c'est une belle aventure. Ouais, c'est une belle aventure. Et puis là, le festival a pris une autre dimension maintenant. Ils ont changé d'endroit, ils ont vraiment ouvert. C'est devenu un très très très très gros festival. C'est chouette que d'avoir un festival comme ça à Marseille qui recoupe la musique électronique, le hip-hop. Ouais, c'est important qu'un festival comme ça existe à Marseille et se développe. Ouais. Et Tolo Kinjian, le directeur, a grandement contribué à son développement. Et voilà, et il avait quand même dans un coin de la tête de pouvoir aussi produire des rencontres d'artistes. Et c'est ce qu'il a fait sur cette collection qui s'appelait Mix Attack. Voilà. Et ça te convient parfaitement, hein, cette diversité musicale, puisque c'est... Ah oui, moi ça m'allait bien, oui. C'est ce que tu proposes aussi. Ouais, d'une certaine façon, oui. C'est vrai, oui. Oui, et d'ailleurs, c'est ce que je disais un petit peu en aparté à Mika, c'est avec ce morceau, on voit à quel point tu es un artiste aux multiples visages. D'ailleurs, n'hésitez pas. D'ailleurs, tiens, c'est vrai, bonne question pour voir aussi tout ce que tu fais. On peut peut-être pas tout écouter, mais je sais que tu as fait des clips. Alors, j'imagine que tu as une chaîne YouTube à annoncer à nos auditeurs. Oui, j'ai une chaîne YouTube sur, en fait, de toute façon, s'ils tapent interne-externe, ça c'est mon label, quoi, c'est la coopérative qu'on a créée à Marseille. En fait, l'album Belle d'Évêque et Rose, j'ai eu une réflexion sur le disque, c'est-à-dire je me suis dit les gens n'achètent plus de disques aujourd'hui, tout le monde écoute la musique sur YouTube ou sur Deezer ou je sais trop quoi. Enfin, et donc je me suis dit bon, puisque les gens n'achètent plus de disques, le support de la musique, c'est plus le vinyle, c'est plus le CD, c'est les images. Et donc j'ai eu envie de faire 13 clips pour les 13 chansons et que les gens puissent aller voir ou écouter mon disque en fait sur la chaîne YouTube, quoi. S'ils ont envie d'écouter de la musique, ben autant en faire qu'ils mettent sur un lecteur ou sur leur écran et puis qu'ils puissent voir des jolies images, quoi, des choses qui font voyager et qui s'accordent bien avec la musique. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait toute une série de clips autour de l'album Belle d'Évêque et Rose. Et en fait, ces clips, au final, ça raconte une seule et même histoire, puisqu'il y a quatre acteurs qui racontent, qu'il se passe quelque chose pour ces quatre personnes-là. Mais j'avais pas envie non plus que ce soit genre, il faut suivre les épisodes et tout, que ce soit pas un truc contraignant. Si les gens, ça les intéresse, ils pourront gratter un petit peu et découvrir les autres clips et se dire « Ah, mais il se passe ça, ah, mais en fait, lui, il est homme, c'est ça, ou elle, voilà. » C'était pour créer un peu de suspense et essayer de rentrer par une autre porte dans la musique, quoi, par le biais des clips, voilà. Oui, c'est bien qu'il me semblait bien qu'il devait y avoir une histoire suivie par rapport au clip. D'ailleurs, il me semble qu'il y a encore des clips qui doivent encore sortir prochainement. Ah oui, là, on n'en a sorti que 3 pour l'instant. Il y en a 13 en tout. Donc, on n'est qu'au début de l'aventure. Et oui, on a hâte de voir les suivants pour suivre l'avancée de l'histoire. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça c'est encore une autre dimension, faire des vidéos, ou du moins mettre en image tes morceaux. Mais c'est vrai que c'est une question que j'ai pas posée, pourtant j'ai l'habitude de la poser assez tôt. Tu es tout seul à la composition, à l'écriture, au montage pour tes morceaux, alors, toi ? Pour les chansons, là, j'écris mes textes tout seul, oui. Enfin, en tout cas, sur cet album-là, je les ai écrits tout seul. Ça m'est arrivé d'avoir envie de faire des collaborations, parce que j'aime bien les collaborations, mais là, j'avais vraiment envie de me retrouver tout seul. Et donc au début, j'ai commencé à composer des chansons, donc j'ai écrit un poème d'abord qui s'appelle Décibel, et puis petit à petit, ça s'est mis en place, il est arrivé des chansons. Et bon, mais j'avais quand même un bon paquet de chansons, mais certaines n'étaient pas terminées. Et j'ai demandé l'aide de Martin May, qui est un chanteur aussi, qui a un projet solo qui s'appelle Martin May, mais qui fait partie aussi d'un groupe qui s'appelle Ghost of Christmas, et qui chante vraiment divinement bien. Et je lui ai demandé de m'aider à placer ma voix. Et on s'est tellement bien entendu qu'au final, on a même fini des chansons ensemble. Donc on les a co-composées ensemble, voire on a même créé des chansons de toutes pièces ensemble au studio, comme ça. C'était une très très belle rencontre et une très belle aventure, ce disque avec lui. Voilà, ce n'est qu'ensuite que j'ai collaboré avec Simon Henner, qui s'est aussi appelé French 79, je ne sais pas si les auditeurs connaissent, c'est un mec qui fait de l'électro, qui est absolument génial, et qui fait partie aussi d'un groupe de rock électro qui s'appelle Nasser, et qui lui a réalisé l'album. Donc je peux vraiment dire que ce disque, je l'ai fait, j'en ai eu l'idée tout seul, j'en ai eu l'envie tout seul, mais on s'est vraiment mis à trois autour de l'établi pour le réaliser. Je voulais une équipe un peu resserrée, quoi. Je voulais pas impliquer trop de gens là-dedans, je voulais rester vraiment en noyau fermé. Oui, une équipe un petit peu intimiste pour un album qui, pour moi, encore une fois, je le répète, hein, symbolise un petit peu comme une renaissance, hein, qui reste un moment très, très intime, en fait. Ouais, c'est un disque... Ouais, c'est... Mais bon, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est joli ce que vous dites. Je ne vais pas rajouter, moi. Je m'en contente. Ça me va très bien. et pour partager ces moments intimistes, Fred, est-ce que tu as prévu de faire une tournée? Oui, on commence un petit peu, voilà, ça commence doucement, on a fait une date à Marseille, on avait fait une date à Bourgoin-Jallieu avec Eddie de Préto et Juliette Armanet début septembre. Là je vais aller jouer à Porte-les-Valences le 12 octobre, ensuite à Vauvert le 13 octobre, ensuite je crois que j'ai des dates, mais j'ai une date à Paris le 11 décembre au Point Éphémère, et puis après ça, à La Rochelle, aussi à Carcès. Ça commence à arriver, quoi, FUVO, les dates commencent à tomber. Il fallait que les gens prennent connaissance du disque et commencent à savoir s'ils allaient me programmer ou pas, quoi. Je sais pas si tu sais, mais c'est quand même un peu comme ça, quoi. Si ton disque marche, si les gens, ils ont envie de le programmer, voilà. Donc c'est un peu le suspense. Tout est en train d'arriver en ce moment. C'est chouette. Oui, vu que j'espère venir vers chez vous, d'ailleurs, parce que c'est vraiment une région que j'aime beaucoup. J'avais joué à Strasbourg, j'ai joué à la laiterie, à Shitty Game, au Cheval Blanc, c'était magnifique cet endroit. J'ai adoré le Cheval Blanc. Bon, bref, voilà. Et quand est-ce que tu prévois de revenir dans l'Est? Justement, je sais pas, j'attends. Je n'ai pas encore vu le calendrier, le planning des dates prévues. Là on est j'ai un peu la tête dans toutes les interviews et puis les passages à la radio. On a des passages sur France Inter aussi. Là, demain, je prends le train pour enregistrer une émission avec Didier Varro. Donc, on est un peu... Je prends les choses les unes après les autres. Je me presse pas. Je savoure un petit peu. Parce que c'est vrai que ça a été 3 années de travail, 3 années de repli. Et donc là, je sais pas, j'ai pas envie de gâcher les choses. J'ai envie de les prendre les unes après les autres et de donner du temps à chaque émotion, à chaque truc qui arrive pour ce disque. Et les rencontres et les concerts. Donc je vais petit à petit. Mais j'espère pouvoir annoncer très vite une région, un concert chez vous. Ça serait trop bien. Oui, ça serait vraiment très bien. Mais comme tu le disais, en attendant, tu te laisses un petit peu porter par les courants. Tu navigues un petit peu de nouvelle en nouvelle. Et d'ailleurs, c'est Mika, en espérant que tu sois prêt, le titre de la prochaine pause musicale, Je naviguais vers mon rêve, qu'on s'écoute tout de suite. Je naviguais vers mon rêve. Il était beau temps. À portée de main. À portée de main. Je naviguais vers mon rêve. J'ai navigué longtemps. Je disais des fini mon frein, tu devras rentrer. naviguais vers mon rêve. Je naviguais vraiment dans mon embarcation de rêve. J'ai navigué, je disais des poèmes. Je disais des poèmes. J'étais bien. De l'eau jusqu'aux genoux. De l'eau jusqu'aux genoux. J'étais bien. Je naviguais vers mon rêve. Je naviguais vers le vent. Dans mon embarcation de rêve, je disais des poèmes. J'étais bien. Je naviguais vers mon rêve. Je naviguais vers le vent. Dans mon embarcation de rêve, je disais des poèmes. J'étais bien. On est bien sur Radio Gemozo grâce à Fred Nefché que vous venez d'entendre, un extrait de l'album Valde Vaqueros qui est sorti il y a 10 jours. Et on est bien grâce à toi, Fred. Ouais, c'est chouette, merci. C'est sympa, vous passez vraiment des morceaux, un petit peu des morceaux, j'allais dire, les plus... Bah, les moins évidents du disque. Et c'est chouette de voir que vous avez fait attention à ces chansons-là. Parce que c'est des moments un peu, voilà, un peu à part dans l'album. Et moi, ça me touche que je vous ai plu, ces chansons. Et toi aussi, tu nous as touché par tes mots et par les musiques de cet album. C'est un univers qui est particulier et j'invite, qui t'est propre, et j'invite les gens qui nous écoutent à aller en savoir un peu plus sur toi et sur ce que tu proposes, justement, musicalement parlant, poétiquement aussi, en tapant Nefché, hein, c'est pas compliqué, dans votre moteur de recherche, N-E-V-C-H-E, accent aigu, mais vous pouvez même oublier l'accent, et vous tomberez d'une part sur le site internet, d'autre part sur la chaîne YouTube, on le disait, de ta coopérative culturelle interne-externe. Donc il y a de quoi faire pour en savoir plus sur toi. Vous pouvez aller sur Instagram, moi j'adore Instagram. Je poste plein de trucs dessus, puis je poste aussi des trucs sur mon Facebook, c'est Fred Nefché, sur Twitter. Enfin, j'adore tous les... Moi, je trouve que les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent, mais je trouve que c'est quand même un moyen d'avoir accès aux gens, de leur envoyer des messages, de dialoguer, d'envoyer des vidéos, de mettre des liens, je sais pas, je trouve ça vraiment chouette, moi. Voilà. Donc, si vous voulez me trouver, c'est très simple. Vous tapez Fred Nefché sur Instagram ou Facebook ou je sais pas quoi, et vous allez me trouver facilement. Eh bien, ce sera indiqué, bien entendu, dans le podcast de l'émission, hein, tant sur notre site internet que sur notre page Facebook. Et oui, je vois le temps qui défile. Hein, je pense qu'on s'accorde une ou deux petites questions encore, Mika. Mais oui, c'est toi la patronne de cette émission. Voilà, la patronne qui, pour une fois, n'est pas vraiment aux commandes. Et oui, comme on le disait, hein, ça reste quand même un ensemble très doux. Pourtant, c'est vrai que ça contraste, parce qu'il y a des moments qui sont électro. L'électro, normalement, du moins l'électro que je connais, c'est pas très doux. Ça t'est venu assez naturellement de... Non, mais il y a de la musique électronique qui peut être, tu sais, l'électronica, il y a des musiques électroniques qui peuvent être très minimales, très, très délicates. Hein. Il y a vraiment des choses. L'électro, c'est pas que des soirées où tout le monde se bourre la gueule et danse comme des dingues. Ça c'est génial aussi, mais il y a aussi de l'électro très, très chiadé, très, très belle. Tu devrais que je revienne pour vous faire écouter plein de trucs, alors. Dans ce cas, un artiste en particulier à nous suggérer, à nous et aux auditeurs. Je pense par exemple à Roman Flügel. Je pense à, oh là là, mais il y en a tellement. Je pense à John Talabot, que j'aime beaucoup, qui crée des ambiances sonores géniales. C'est un DJ de Barcelone. Et puis après, dans la scène française, il y a Fakir. Je pense aussi à Flavien Berger, bien sûr. Il vient de sortir un nouvel album également. Ah ouais, c'est magnifique, bien sûr. Il y a plein de choses magnifiques. Tout comme toi, musique électro associée. Alors là, je caricature un peu, mais en gros, dans les éléments importants pour vous deux, Flavien Berger et toi, Fred Nefché, la poésie, le texte et la musique électronique. Exactement, oui. D'ailleurs, c'est une chanson de Flavien Berger qui m'a qui m'a permis de me souvenir de cette plage de Valdevaqueros. Et c'est à cause ou grâce à Flavien, il ne le sait pas, hein, mais c'est sa chanson « Le Villiplanchiste » qui m'a fait me souvenir que j'avais été à Valdevaqueros et qui m'a fait écrire le poème de Valdevaqueros et ensuite que j'ai composé la chanson. C'est vraiment, ça vient de sa chanson. C'est lui qui m'a fait comme une madeleine un petit peu de Proust et je me suis souvenu de ça. Il y a des liens. Et d'ailleurs, c'est vrai que dans ce morceau, hein, vu qu'il nous reste plus beaucoup de temps, j'encourage les auditeurs à le réécouter, mais c'est vrai qu'il y a une partie texte, une partie musique qui nous emmène vraiment. Hein. Moi, quand je l'ai écouté, j'ai vu les mouettes parcourir la plage. Je me sentais vraiment embarquée, en fait, avec toi. Tu nous as emmenés dans ta madeleine. Ah, mais trop bien. Trop bien. Ouais, trop bien. Merci beaucoup. Mais de rien, et je rappelle encore une fois aux auditeurs hein, que c'est pour ton album Valdevaqueros, sorti le 21 septembre de cette année 2018, que tu es avec nous. Un album très doux que j'encourage vraiment d'écouter dans sa globalité, parce qu'il y a des morceaux qu'on n'aura malheureusement plus vraiment le temps de passer. Et d'ailleurs, je vois le temps qui défile. Mika, je ne sais pas si tu as encore une ou deux choses à demander à notre artiste. Je t'écoute régulièrement, Lou, à cette heure-ci. Enfin, non, pas à cette heure-ci. D'ailleurs, d'habitude, tu as fini. D'habitude, c'est entre 18h et 19h. Voilà, les aléas du direct. Ce que tu fais souvent, et ce qu'on va faire là, hein, ce que je propose à vous qui écoutez, c'est que juste après que tu aies énoncé la programmation qui va suivre sur Radio Gemozo et qu'on ait lancé le générique, on passera à un dernier titre de Fred Nevché et l'album Valdevaqueros. Ah oui, avec plaisir. Ça sera la chanson L'Océan. Oui, s'il te plaît. Ah, génial. Cool. Merci beaucoup. Mais avec plaisir, et comme les auditeurs le savent, hein, quand l'émission touche tout doucement à sa fin, c'est que ça va être le moment de faire la programmation. Et on retrouvera à 20h, donc dans quelques minutes en réalité, Michel pour son émission La Parole est à vous, suivi à 22h de Dominique pour J'ai aimé, je vous le lis. Puis on se retrouvera demain matin, 7h, 8h pour la rediffusion que vous avez écoutée à l'instant. Et pour les petits curieux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin, elle sera en podcast sur notre page Facebook ou sur notre site internet radioguemozo.eu, rubrique émission et rediffusion L'Heure des Loups, aisément écoutable, aisément téléchargeable sur ordinateur, smartphone, tous les systèmes d'exploitation, ça fonctionne. Puis après, à 8h30, ce sera une chronique d'Amadou, c'est chronique d'Amadou, pour enfin 8h30, Marion qui fera la programmation de la journée, qui vous racontera comment ça va se passer. Et on se retrouvera demain soir, 18h, 19h, pour un petit compte rendu d'une émission que j'ai enregistrée il y a un bon moment, d'ailleurs au mois de juin. Il s'agit de l'Épinal Tattoo Show, où je me suis rendue. D'ailleurs, j'ai 2-3 choses à vous dire à ce sujet. Mais bon, on est toujours en attendant avec Fred Nevché pour la conclusion de cette émission, pour ton album hein, Valdevaqueros, en espérant que je le prononce bien, sorti très récemment. Je vous encourage vraiment. En espagnol, je pense que ça se dit Valdevaqueros. Bah, le B, tu sais, le V et le B, mais je pense que tu le prononces très bien. Chacun peut le prononcer comme il veut. Et ça, c'est ça qui est important, je crois. Oui, c'est ça qui est important. Donc toujours pour ton album hein, qui est sorti très récemment, ton quatrième album d'ailleurs. Il y en a d'autres aussi à écouter sur Internet. Je vous encourage aussi à laisser traîner un petit peu votre oreille sur Internet. Et puis voilà, on arrive tout doucement à la conclusion, n'est-ce pas, Mika? Et tout à fait, on va se dire au revoir, lancer le générique et écouter ensuite l'océan. Oui. Ah, merci beaucoup. Ouais, eh bien, Fred, merci beaucoup pour ta présence et ton temps. Mika, merci beaucoup, comme d'habitude, aussi pour ta présence. Merci à vous. Merci. C'était un plaisir de faire cette émission avec toi, Fred. Ah, vraiment, moi aussi, partagé, vraiment. On espère se voir en chair et en os exactement. Bientôt pour un concert dans le coin. Exactement, j'espère aussi, je croise les doigts, vraiment. Et en studio, hein, le son sera un peu meilleur parce que malheureusement, on a quelques soucis. Non, tout va bien, c'était bien. C'est juste il y a eu un petit craquement, mais c'est de ma faute, j'ai bougé. Non, mais c'est nous aussi. C'est des choses qui arrivent. Et aux auditeurs aussi, merci beaucoup de nous avoir écoutés. En attendant, on se retrouve demain, 18h, 19h, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retiens pas plus longtemps. Et voilà, bonne soirée à tous et merci. Ciao. Ciao. It's the most.